acclamons Jésus le roi. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Tu mérites nos alléluia. Unahitaji, unastahili alléluia zetu. Nos alléluia sont à toi. Alléluia zetu ni zako. Nos alléluia sont à toi. Oh, nos alléluia sont à toi. Encore nos mes alléluia. À chaque moment de ma vie, tu le mérites. Je te le rends de tout cœur. Ce matin, même le soir, tu le mérites. Mes alléluia avec l'église ce matin. Mes alléluia. Merci Seigneur. Nos alléluia sont à toi. Alléluia. Reçois nos alléluia. Pokea sifa zetu. Reçois nos alléluia. Pokea alléluia zetu. Reçois nos cris d'alléluia. Pokea alléluia. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire à jamais. Merci Seigneur. La santé bonne. Nous t'adorons Seigneur. Tu n'as pas changé à bon. Nous t'aimons notre Père. Tu n'as pas peine Baba Yesu. Nous t'aimons mon Rédempteur. Tu n'as pas peine d'aimer mon Mokozi. Nous t'aimons Consolateur. Tu n'as pas peine d'aimer mon Fariji. J'appelle ta plénitude dans ces lieux. Nehita ujazo wako. J'appelle ta plénitude dans ces lieux. Nehita ujaze mali hapa. J'appelle ta plénitude dans ces lieux. Nehita utele wako mali hapa. Remplis ces lieux. Jaza mali hapa. Remplis ces lieux, ô Dieu. Jaza mali hii, Mungu. Remplis ces lieux, ô Dieu, et que tout te soit soumis. Au nom de Jésus-Christ, parle à nos cœurs. Merci, Saint-Esprit. Travaille sur moi. Travaille sur mon frère. Aide-nous à pénétrer la reine. Est au ciel ouvert. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Peux saluer le voisin sans le toucher. Dis-lui, nous continuons dans les eaux profondes. Saluez-le sans le toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fait bon dans la maison de Dieu. Nyumbani mwa Bwana ni pazuri. Et vous êtes merveilleux ce matin. Na mnapendeza asubuhi ya leo. Vous savez, plus on adore, unajua zaidi unaabudu. Plus on brille, zaidi unang'aa. Même les scientifiques commencent à réfléchir. J'ai vu un truc sur la guérison physique qui provient de la prière, le fait de prier. Ils ont dit il y a des choses qui se passent dans les systèmes nerveux quand on prie. Il y a quelque chose qui se passe. Le cerveau devient différent quand on est en prière là. Parce qu'on est dans la présence de la source. D'où nous sommes venus. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur très bien. Il est bon, notre Dieu. Et il mérite les louanges de son peuple. Et il habite au milieu des louanges. Il est merveilleux. Alléluia. Amen. Alors, nous voulons poursuivre sur notre sujet. Tunatamani kuendelea ndani ya mada yetu. Quand Dieu décide wakati Mungu anaamua d'ouvrir son ciel, kufungua mbingu yake, j'aimerais faire une petite révision ningependa nifanye ukumbusho kidogo pour mettre à niveau ceux qui n'ont pas été là au courant la semaine. Qui n'ont pas été là au courant la semaine? Kuwa ndani ya wiki. Wangapi wako ndani ya wiki? Vous êtes nombreux comme ça? Mko wengi hivi? Munashusha mikono mara moja. Si mnyoshe tu haiko zambi. Continue à lever le mais c'est pas péché, c'est vrai. Mulizuiliwa ni kweli. Et qui était là? Nani alikuwa? On est quand même la majorité. Ah, ni wengi ndio waliokuwa. Alléluia. Amen. Quand Dieu décide d'ouvrir son ciel. Mungu anapoamua kufungua mbingu yake. Et nous avons vu le premier chapitre dans ce thème. Na tuliona kipengele cha kwanza ndani ya mada hii. Le portrait d'un ciel ouvert pour un homme, une femme. Alléluia. Amen. Et nous avons vu trois grands éléments qui décrivent le portrait en question. Quand il y a ciel ouvert, il y a des grands mouvements entre le trône de Dieu et nous. Deuxièmement, quand Dieu ouvre son ciel, Mungu anapofungua mbingu yake, l'Éternel se prononce. Bwana Mungu anaongea. Il se prononce anaongea, anajitambulisha sur toi juu yako, et il décline son identité. Na anaonyesha utambulisho wake, anaonyesha yeye ni nani. Et nous avons vu troisième élément qui constitue le portrait là. Na tuliona jambo la tatu ambalo linaunda picha hiyo. C'est que lorsqu'il ouvre son ciel, kwamba anapofungua mbingu yake, il annonce quatre prévisions. Anatangaza matayarisho mane. Lesquelles? Ni yapi? Il annonce anatangaza qu'il te prépare un espace ya kwamba anakuandalia mahali sur la terre duniani. Dans cet espace, c'est là qu'est prévu tout ce qu'il te faut. Ni hapo ndipo kumetayarishwa yote ambayo unapaswa. Toutes les choses dont ton existence a besoin. Mambo yote ambayo maisha yako inahitaji. Mais aussi c'est cela l'arène. Lakini hiyo pia ndio uwanja. Dans lequel ambamo ndani mwake Dieu Mungu prévoit d'interagir avec toi. Anatayarisha kujadiliana pamoja. Et nous avons vu que cet espace na tuliona ya kwamba nafasi peut être géographique. Inaweza kuwa nafasi tu ya mahali. C'est-à-dire un lieu où tu dois vivre, où tu dois habiter. Mais aussi cet espace peut être multisectoriel. C'est-à-dire un domaine spécifique sur lequel Dieu prévoit de te bénir. Dans lequel sont entassées les promesses de Dieu sur ta vie. Ça c'est la première annonce. C'est que Dieu prévoit de te multiplier. Ni kwamba Mungu anatayarisha kukuzidisha. C'est-à-dire la fécondité. Inamaanisha uzazi. Lorsque Dieu ouvre son ciel, wakati Mungu anafungua mbingu yake, dans cette ouverture de ciel, ndani ya kufunguka hii ya mbingu, il est prévu kumetayarishwa ta fécondité. Et ce n'est pas seulement une fécondité dans les entrailles physiques, mais c'est aussi une fécondité multisectorielle dans différents domaines de ta vie. Fécondité intellectuelle, fécondité scientifique, fécondité, etc. na uzazi dans différents domaines professionnels, fécondité relationnelle. Vous savez, il y a des gens qui ont des relations fécondes. Unajua kuna watu ambao wanakuwa na mahusiano za kuzaa. Ils ont une fécondité dans leurs relations. Nitasema ya kwamba wana uzazi ndani ya mahusiano zao. C'est-à-dire tu trouves que lui c'est facile. Unakuta ya kwamba yeye ni rahisi kabisa. D'interagir avec les gens. Ni rahisi kuongea na watu. En fait, il y a une fécondité en lui au plan social. Anakuwa na uzazi ndani mwake. Il ne fait pas des efforts. Hajikaze. Pour entrer en relation avec quelqu'un. Ili aingie ndani ya uhusiano pamoja na mtu. Il est fécond. Iko na uzazi. Quand le ciel ouvre, wakati mbingu na fungua, tu deviens fécond. Unageuka de manière multisectorielle. Ndani ya viwango vingi. La troisième prévision que Dieu annonce, c'est qu'il annonce de te confier une mission. Il annonce ta responsabilité. Il annonce la raison de ce ciel ouvert qui est une mission. Dieu n'ouvre pas le ciel pour juste nous donner une beauté, une beauté de la chrétienté. On est, c'est beau. On a dit à Mungu, c'est beau. C'est pas juste pour ça. C'est pour une mission. Et donc, troisième annonce, responsabilité. Et quatrième annonce, les garanties. Dieu annonce des garanties. Et nous avons partagé sur quatre garanties. La première garantie, sa présence. La deuxième, sa protection. La troisième, son accompagnement. Et la quatrième, sa fidélité ferme. Où il dit, et je t'abandonnerai pas, ou je ne te laisserai pas, avant d'avoir exécuté tout ce que je t'ai dit. Bwana asifiwe. Amen. Et nous avons vu tout ceci de Genèse chapitre 28. Verset combien? Musari wangapi? 10 à 22. Ensuite, Badae, le vendredi, siku ya tano, nous avons commencé de parler tulianza kuzungumzia du deuxième chapitre. Juu ya kipengele cha pili. Car s'il y a un ciel ouvert, sababu kama kuna mbingu inayofunguliwa, c'est qu'il existe de ciel fermé. Ni kusema kuna kuwa hata mbingu zinazofungwa. Et nous avons vu na tuliona ya les fondements misingi du ciel fermé. Misingi ya mbingu inayofungwa. Ou alors, ama, qu'est-ce qui fait nini que le ciel de quelqu'un soit fermé? Mbingu ya mtu ifungwe. Et nous avons réfléchi na tulifikiri sur différents facteurs. Juu ya mambo mengi. Et nous avons commencé de parler de l'obéissance. Na tulianza kuzungumzia. Mais avant cela, juu ya utivu, nous avons expliqué lakini mbele ya la nécessité umuhimu de l'illumination pour comprendre la révélation. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons été mis face à une révélation, mais le fait n'avoir pas compris la révélation en question, nous avons raté son contenu. Et nous avons longuement parlé le vendredi sur ce sujet. J'aimerais que vraiment tu ailles prendre l'audio de ce vendredi. Où tu vas à l'internet dans le média pour prendre ça. Alléluia. Amen. Parce que c'est capital que tu sois à mesure d'entrer dans ce que Dieu te révèle. C'est malheureux et extrêmement malheureux d'avoir rencontré la révélation et de l'avoir raté. Jésus dit à ses disciples dans Luc, Yesu anaambia wanafunzi wake ndani ya kitabu cha Luka, lorsqu'il entre à Jérusalem, il dit, on vous visitera des palissades. Et il ne restera pas pierre sur pierre. Et cette ville qui est votre orgueil, il ne restera plus rien. Parce que vous n'avez pas connu les jours où vous avez été visités. Qu'est-ce qui a manqué? Est-ce que Dieu n'a pas visité? Si, il a visité. Est-ce que Dieu s'est révélé? Oui, il s'est révélé. Mais vous n'avez pas compris la visitation. Vous n'avez pas perçu, vous n'avez pas attrapé le contenu. Parce que vous n'avez pas eu l'illumination. C'est-à-dire la lumière dans l'esprit. Pour comprendre ce que Dieu essaye de vous dire. Seigneur, tu essaies de me dire quoi par ce thème? Le ciel ouvert, c'est une révélation. Mais Seigneur, tu veux dire quoi, frère? Et nous avons vu qu'il est important de pouvoir nous rendre compte que Dieu fait beaucoup d'efforts pour nous aider à y arriver. Et nous avons vu dans Ésaïe 65, premier verset, où Dieu est en train de dire, je me suis laissé trouver par un peuple qui ne me cherchait pas. J'ai passé mes journées à crier devant des peuples, me voici. J'ai passé du temps à essayer de dire à quelqu'un, me voici, à un peuple qui ne comprend pas. Il a les yeux fermés devant une table garnie, dressée. Elle est vraiment à ta portée. Mais tu ne la vois pas. Et tu meurs, on te trouve tombé à côté. Et quand on fait l'autopsie, je ne sais pas si ça se fait comme ça. Tu es mort de faim. Et on se dit, mais ça c'est un mystère. Comment on peut mourir devant une table garnie? S'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui va aller en affaire, c'est le cas. Tu es devant une table garnie. Et puis tu vas en affaire. C'est triste. Hein? Alléluia. Amen. Alors nous avons commencé de parler du premier fondement du ciel fermé, la désobéissance ou la transgression, ama la désobéissance. Kuhasi. Et nous avons essayé de discuter hier le samedi sur l'origine du principe de l'obéissance. Ya kanuni ya utiivu. Quand est-ce que l'obéissance a commencé? Enfin, quand est-ce ce principe est né? Au commencement. Dans Genèse chapitre 2, verset 15 à 17, Dieu donne trois instructions à Adam et Ève. Mais à ce temps, quand les instructions sont données, c'est à Adam d'abord. Parce que c'est au verset 18 que Dieu dit, créons une femme. Dieu s'adresse à Adam lui-même. Et lui donne trois instructions. 1. Cultive les jardins. 2. Gère les jardins. Et 3. Obéis. Outil. Pourquoi obéir? Sababu gani kuti? Dieu Mungu vient de jeter les bases du fonctionnement entre les hommes avec Dieu ya kutumika kwa wanadamu pamoja na Mungu. Autour de ces trois principes. Juu ya hizi kanuni tatu. Tu travailles, unatumika, tu gères, unaongoza, et tu obéis. Na unati. Et nous avons vu que l'obéissance, c'est l'un des socles inakuwa moja wapo ya misingi de la paix dans la société. Ya amani ndani c'est l'un des socles moja wapo ya misingi du progrès ya maendeleo dans un rassemblement des êtres humains. Ndani ya kusanyiko la wanadamu. L'obéissance, utiivu, c'est le secret inakuwa ni siri du bonheur ya heri des êtres humains. Ya wanadamu. On va peut-être reparler de ça quand nous arriverons au troisième, quatrième chapitre. C'est-à-dire comment maintenir namna gani kushikilia le ciel ouvert. Mbingu inayofunguliwa. L'obéissance, utiivu, nous la voyons dans le jardin d'Eden. Tunaona ndani ya bustani ya Eden. Comme principe de base, kama vile kanuni la msingi, qui donne raison ambalo inatoa sababu à une base que Dieu a jetée dans l'humanité, kwa msingi ambao Mungu ameweka ndani ya ulimwengu, du libre arbitre, msingi wa uamuzi huru. Et le libre arbitre na uamuzi huru constitue inakuwa la raison de la différence sababu ya entre nous les hommes et tous les restes de la création. Kati yetu sisi wanadamu na viumbe vingine vyote. Dieu est fier. Mungu anafurahi. Lorsque nous allons vers lui. Wakati tunenda kwake. Sans nous forcer. Bila kutukaza. Et nous sommes heureux. Na sisi ni wenye heri. Lorsque nous sommes appelés à avoir une relation avec Dieu. Wakati tunaitwa kuwa na uhusiano pamoja. Librement. Et volontairement. Ceci, ce qui fait la beauté même de la vie avec Dieu. Même dans le mariage. La beauté dans le mariage, c'est la capacité de vivre libre. Mais une liberté volontaire à s'inscrire dans la vie de l'autre. Malheureusement, les scientifiques n'ont pas encore fabriqué de robots humains. Mais imaginez que tu te maries à un robot ou une robot. Unafunga ndoa pamoja na robot. Vous connaissez les robots? Munajua robot. Et on met un programme dedans. Na kisa wanaweka ndani uongozi fulani. Et ce programme là, na uongozi huo, c'est la vie de ce robot ta femme. Huu mpangilio ya huu robot avec toi. Mke wako pamoja na wewe. Quand tu rentres à la maison, unaporudi nyumbani, le robot fonctionne. Ile robot inaanza tumika. C'est ta femme. Huyo ni mke wako. Et ce robot sait à quelle heure doit aller au lit. Na hiyo robot inajua saa ngapi itaenda kitandani. Le robot. Hiyo ni robot. Femme robot. Beaucoup d'hommes veulent que leur femme soit des robots. Que leur femme n'ait pas de volonté. Que leur femme fonctionne comme des monstres. Comme des machines. Dis, comment je suis arrivé à la maison, tu n'as pas ouvert. Et puis, c'est quoi ce gobelet là? La vie, c'est comme une machine. La vie est robotique. Il n'y a pas de bonheur dans un foyer robotique. Je parle à un homme ici. Les hommes disent amen. Acclame le Seigneur. C'est vrai. Alors Dieu n'a pas voulu que les êtres humains soient des robots. Que nous ayons une relation homme-dieu robotique. Mais pour que ça fonctionne, ou le matériel qui le fait fonctionner, c'est la loi de l'obéissance amoureuse. Nous avons parlé. L'obéissance amoureuse. dit obéissance amoureuse. C'est-à-dire, j'obéis à Dieu avec amour. C'est-à-dire, je veux obéir à Dieu. Dieu ne m'oblige pas de lui obéir. Et nous avons vu que la manière dont Dieu lance les lois de l'obéissance, la manière dont Dieu lance les lois dans la Bible, il introduit toujours par quelque chose de bien. Déjà, dans Genèse chapitre 2, quand vous commencez la lecture au verset 8, vous constatez que Dieu décrit le jardin d'Eden comme une beauté, c'est wow. Pour stimuler l'obéissance amoureuse, avant que Dieu parle d'obéir, il dresse un portrait agréable qui va amener l'homme à désirer obéir, qui va amener, regardez, même Samuel dit, enfin Dieu dit par Samuel, j'ai mis devant toi la vie et la mort, les ceci et le cela, et puis lui conseille, choisis la vie. Dieu dresse le jardin d'Eden et il établit de bonnes choses dedans. Il est écrit, il a mis l'arbre de vie, il a mis des fleurs, il a mis des arbres beaux à manger, à beaux à voir, des arbres bons à manger, et puis il a mis aussi l'arbre la connaissance du bien et du mal, et il a jeté le principe de l'obéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez aussi les 10 commandements, nous avons vu que les 10 commandements dans Exode chapitre 20 sont introduits par une parole agréable. Regardez ça. Exode 20, verset 1. Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, il a dit quoi? Je suis l'Éternel qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et quand tu attends ça et que tu as vraiment vécu la traversée de la mer rouge, ton cœur s'ouvre comme une fleur devant les rayons solaires. Je suis l'Éternel. Et puis Dieu dépose le principe de l'obéissance. Et la réponse est automatique. Seigneur, nous ferons tout ce que tu dis. Tutafanya yote utakayoisema. L'obéissance. Utiivu. Tire l'origine là. Inaanzia hapa. Et Paul vient dans Ephésiens chapitre 6 verset 1 et suivant. Na Paulo anakuja ndani ya kitabu cha Efeso 6. Il dit enfin obéissez à vos parents. Anasema enyi watoto watiini wazazi. Selon le Seigneur car cela est juste. Kufuatana na Bwana sababu hiyo ni haki. Le verse. Kinyume. Si vous n'obéissez pas, kama hamuti, cela n'est pas juste. Iyo haiko haki. Pourquoi ce n'est pas juste? Sababu gani haiko haki? Parce que sababu, ce qui précède inayotangulia montre que votre source, inaonyesha ya kwamba celui qui vous donne le principe de l'obéissance, inayowapatia kwamba kanuni hii il a fait du bien à vous. Alifanya mema kwenu. Et si vous faites le contraire, c'est-à-dire la désobéissance, vous êtes injuste. C'est injuste de désobéir à Dieu. Obéissez à vos parents, car cela est juste. Ce qui est juste, c'est lorsque nous obéissons. Quand nous désobéissons, ce n'est pas juste notre part envers Dieu. Les fondements de l'obéissance commencent là-bas. Et Paul projette ça dans la nouvelle alliance. Et il prend l'image des enfants et les parents. À partir du chapitre 5, verset 22, il est parlé des parents et de la vie des parents pour que ça soit agréable. Afin que les parents qui sont corrects et qui engendrent des enfants dans un environnement correct soient capables de recevoir de ses parents ou de retourner à ses parents une obéissance amoureuse. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Quelle est la promesse? Afin que tu vives longtemps sur la terre, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bwana sifiwe. Amen. Afin que tu sois heureux. Quelle est la promesse? Tu es heureux pour avoir obéi. Deux, tu vis longtemps pour avoir obéi. Et nous avons vu hier que lorsque nous retournons dans Genèse, c'est effectivement ce que Adam et Ève ont raté. Ils ont désobéi et ils n'étaient plus capables de vivre heureux. Les malheurs ont commencé. Mateso ikaanza. Les épines ont poussé. Na miba ikaota. Même dans leur famille. Hata ndani ya jamaa zao. Les épines entre Caïn et Abel. Miba kati ya Kaini na Abel. Il y a plus de bonheur. Hakuna tena furaha. Deuxièmement. Ya pili. Ils ne savent plus vivre longtemps. Hawajui, hawawezi tena kuishi siku nyingi. Dieu a dit, afin que tu vives longtemps. Parce que s'ils n'étaient pas tombés, s'ils étaient restés dans l'obéissance, nous serons encore avec les Adam aujourd'hui. Donc, on serait en train d'aller voir les grands-pères. Ils vivraient longtemps. Je crois que la terre serait vraiment remplie. Dieu aurait déjà créé d'autres terres. Il crée une autre terre et puis on fait un pont. Alléluia. Amen. L'obéissance amoureuse. Écoutez, frères et sœurs, la désobéissance est abjecte. Est mauvais. La désobéissance, c'est une mauvaise chose. Vous savez d'où viennent nos malheurs jusqu'à ce moment où nous parlons. Ça vient de cette désobéissance. Lorsque Adam et Ève ont péché, le ciel a été fermé. Ciel fermé. Et quand le ciel a été fermé, même les animaux ont commencé à être des ennemis de Adam. Les lions peuvent manger l'homme. Je vous ai dit au réveillon, lorsque les ténèbres arrivent, je peux monter même sur ma femme, parce que je ne vois pas. Sababu sione. On est dans les ténèbres. Tuko ndani ya giza. On ne voit pas. Hawone. Le ciel est fermé. Bingu mefungwa. Je peux voir mon frère naweza kuona ndugu yangu comme une chèvre à égorger kama vile mbuzi ambaye anapaswa pour amener son sang au diable. Ili nilete damu yake kwa shetani. Je peux voir mes enfants naweza kuona watoto wangu comme des offrandes kama vile sadaka à amener sur la table de Satan. Ya kuleta kwenye meza ya shetani. Parce que je ne vois pas, le ciel est fermé. Sababu sione, je suis dans le ténèbre. Niko ndani ya giza. D'où ça vient? Inatokea wapi? Désobéissance. Uasi. Désobéissance. Uasi. Ce matin, frère, asubuhi ya leo ndugu, si tu peux attraper une parole importante dans ces eaux profondes, kama unaweza shika neno la muhimu sana, attrape celle-ci. Maji ya vilindi hii, shika neno hili. Attrape celle-là. Shika neno hili. Décide-toi amua de commencer à partir de ce matin uanze kuanzia asubuhi ya leo une vie d'obéissance. Maisha ya utiivu. La désobéissance wasi faire même le ciel humain unafunga, entre parents et enfants unafunga hata mbingu ya kianadamu kati ya baba na kati ya mzazi na regardez cet enfant obéissant à la maison. Angalia mtoto ambaye ni mtiivu nyumbani. Qui sont des parents ici? Là, on est au premier kit, tout le monde est parent. Wanani ni wazazi. On peut voir les parents. Kwa ibada kwanza tunaweza kuona wazazi. Tu as trois enfants. Una watoto tatu. Parmi lesquels un est obéissant. Ambao ndani mwao mmoja. Tu voyages à Dubaï. Una tu dois acheter des cadeaux aux enfants parce que tu rentres demain. Watoto zawadi sababu tarudi. Tu es avec ta femme. Na uko pamoja na mke wako. Et devant un état de choses na à acheter. Il y a vitu vingi vya kuuza. On va acheter pour tout le monde, c'est bon. Utanunulia kila mtu ni vizuri. Mais quand on fait le choix. Lakini unapochagua. Pour la fille. Juu ya ule binti. Disons que tous sont des garçons. Tuseme wote ni wavijana. Qu'on ne dise pas que non, pasteur, là c'est le complexe des dupes. Oh, useme wao mchungaji hapa iko na chagua. Tous sont des garçons. Iko napendelea jinsia. Ah, wote ni wavijana. Et tu choisis. On a acheté. Na mais on arrive à un élément qui coûte cher. Lakini unafika kwa kitu et qui est bon dans le cœur de ses papas. Na moyo inakuwa mzuri ndani ya moyo. Et tu dis, on prend ça pour lui. Na unasema tuchukue hii kwa ajili yake. Et ta femme dit, non, tu vois, il n'y a plus assez d'argent, ok, je vais ajouter. Nasema, hakuna pesa nyingi hapana, nitaongeza. Qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? Cet enfant ici uyo mtoto huyo est obéissant. Anakuwa ni mtiivu. Il y a un phénomène qui fonctionne entre les parents et cet enfant. Et c'est ce phénomène qui prépare le bonheur de cet enfant, fait que tu sois heureux. L'enfant, le papa est obligé, inconsciemment, de poser des actes spéciaux pour cet enfant bien-aimé. Mtoto anayependezwa naye. Cet enfant bien-aimé. Huyu mtoto anayependezwa naye. Même si l'argent est terminé. Hata kama pesa zimekwisha. Papa risque de faire appeler l'argent du pays. Baba anaweza kuitisha pesa toka nchi. Pour que cet tissu est bon. Anasema hii iko nzuri kabisa. Mais on l'a déjà acheté pour lui, non, ajoute ça. Sikununulia hapana, ongeza hii. Qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? C'est un enfant. Yeye ni mtoto. Obéissant. Mtiivu. Et s'il tombe malade? Na akigonjwa. Quand tous les enfants tombent malades? Wakati watoto on va à l'hôpital commune. Na hospitalini. L'hôpital régulier, on peut aller au centre de santé dans le coin. Unaweza kuingia ndani ya kituo cha afya. Mais quand c'est l'enfant en question qui tombe malade? Lakini kama ni ule mtoto mtiivu ambaye anagonjwa. On va en Afrique du Sud. Tutaenda Afrika Kusini. Hey. Hey. Non, c'est grave, tu vois. Non, non, c'est dangereux. Niatari. Tu es agité, qu'est-ce qui se passe? C'est la malaria. Ni malaria. Non, tu vois cet enfant-là. Non, tu vois cet enfant est fragile, madame. Cet enfant est fragile, tu vois. On doit faire vite. Et la voiture est déjà allumée. C'est déjà allumé dehors. avant même de décider de partir au part où on avait allumé la voiture, l'argent est déjà dans la poche, les cartes bancaires, toutes les cartes sont déjà là. Mais quand c'est l'autre enfant, on va à l'Afrique. Quel est le phénomène? Cet enfant est obéissant. C'est ce qui se passe avec notre Père Céleste. Lorsque tu es obéissant, Dieu s'agite à ton sujet. Et nous avons vu hier l'expérience de la fournaise ardente avec Meshach, Shadrach et Abednego. Ils disent au roi de Babylone. Au roi, nous n'allons pas obéir à ta loi. Si Dieu le veut, il nous sauvera. Mais sache que nous n'allons pas adorer ces dieux. La Bible dit que le roi devait rouge, quelque chose comme ça. Il devait courroucer et dit, allumer la fournaise sept fois. Et on a allumé sept fois la fournaise. Et il a cherché des grands bourreaux, les hommes solides pour soulever ces jeunes gens comme des petits colis et jeter dedans. Et on a ligoté les jeunes gens. Et les bourreaux sont venus devant la fournaise. Je crois que chacun avait sa victime. Il y a trois bourreaux. Parce qu'il est écrit, et ceux qui ont jeté les jeunes gens dans le feu sont morts de la chaleur. Alors si c'était la même personne, si c'était la même personne, il serait mort avec le premier jeune homme. Est-ce que vous êtes là? Donc c'était trois messieurs. Ils approchent le petit, ils jettent dedans, il tombe mort de chaleur. Et puis, les jeunes gens tombent dedans. Comme l'obéissance provoque le trône de Dieu. Obéissance amoureuse, mais aussi obéissance sacrificielle. C'est-à-dire, je suis d'accord de mourir pourvu que j'obéisse à mon Dieu. Dieu ne supporte pas ça. Dieu ne supporte pas cette obéissance au plus haut point. Il laisse les rayons de son trône qui viennent, qui traversent le feu. En fait, il est écrit que Jésus-Christ est un feu dévorant. Le feu répond au feu. Et la face du Seigneur vient dans la fournaise. Je vous ai dit, quand le ciel est ouvert, il y a des mouvements intenses. Le trône libère quelqu'un déjà dedans, qui accueille les bien-aimés dedans. On les jette, ils les accueillent. Et ils s'assurent que le feu ne leur fait rien. Même les cheveux. Il est écrit, même aucun cheveu n'a subi le feu. Même l'odeur du feu. Vous imaginez? On est allé regarder quand les volcans venaient, comment dans les bananeraies là-haut. C'est on dirait des braises qui coulent. Et la fournaise, ils l'ont allumée avec quoi? Est-ce avec du soufre? Est-ce avec du bois? J'imagine que cette fournaise est remplie de braises. C'est du feu brûlant avec des braises. Et il tombe dans du braise. Et ils sont à l'aise dedans. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a ouvert son ciel sur ces jeunes gens en réponse à l'obéissance. Les retombées sont terribles. Quand vous allez au verset 17, regardez cela avec moi. Daniel chapitre 3. Daniel sura 3. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Plutôt verset 25. On peut laisser ce qui précède. Le roi reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Le fils de Dieu est venu dedans. Les mouvements intenses, terre, ciel, a même laissé partir le fils de Dieu. Écoutez, lorsque Dieu décide d'ouvrir ton ciel sur toi, il est prêt à tout donner, même son propre fils. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3:16, il a fait quoi? Il a donné. Il peut tout donner, Dieu. Ne t'étonne pas. Usishangae. Quand nous sommes agréables à Dieu, au moyen de l'obéissance, Dieu ingo. Est prêt à tout donner. Mungu iko tayari kupana yote. Regardez. Tazama. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, watanuru la moto na kanza kuwaita serviteur enyi watumishi wa Mungu aliye juu serviteur watumishi du Dieu suprême wa Mungu aliye juu. Amen. Amen. Je crois que ces jeunes gens dans le feu devraient dire amen. Nikiwa sawa vijana ndani ya moto wangesema amen. Il y a quelques minutes, kuna dakika tu kidogo, ces mêmes messieurs huyu baba huyu disaient à ces jeunes gens, vous m'adorez ou rien, c'est moi qui suis Dieu. Dans les minutes qui suivent, à cause de l'obéissance et des prévisions du ciel ouvert, il change de confession. On pourrait dire qu'il s'est converti. Écoutez, frères et sœurs, nous pouvons engendrer beaucoup de conversions par notre ciel ouvert. Soit obéissant. Dieu va ouvrir son ciel sur toi. Et beaucoup de gens vont venir à Dieu à cause de toi. Regardez même ce qui suit. Nebuchadnezzar, grand roi de son temps, serviteur du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego, sortir du feu. Ce genre de phrase n'arrive pas toujours. Hein? On t'envoie dans le feu. Et tu sortez de la prison, c'est acceptable. On peut dire Philippe, Jean et Marc sortir de la prison. Mais quand on dit sortir du feu, on peut sortir du feu. Qu'est-ce qui peut sortir du feu? Un homme braise. C'est un homme braise. Ou un homme cendre. Il y a que Dieu qui fait ce genre de choses. Acclame-le. Acclame le Seigneur. Il sortir du feu. Wakatoka ndani ya moto. Et les autorités du pays étaient présents. Na wenye mamlaka wa inchi walikuwa hapo. Les satrapes, les intendants, waaguzi, les gouverneurs, waongozi, les conseillers du maliwali, roi, wale washauri wa mfalme, et virent. Wakakusanyika na wakaona. que le feu moto, n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Que les cheveux de ces jeunes gens n'avaient même pas été brûlés. Hata, que leurs caleçons n'avaient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez comment on les a jetés dedans. Hein? Enfin, pour que le feu tienne vite. Il ne fallait pas qu'ils aient des habits. On les a jetés à caleçon. Leur caleçon n'était point endommagé. Même l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Hakuna harufu. Amen. En fait, si on pose la question à ces jeunes hommes, tu viens du feu? Il va dire non, mais on t'a dit venir du feu. Si wame, il dit où sont les preuves? Il n'y a pas de preuves. Parce que les preuves seraient l'odeur du feu, seraient les caleçons brûlés, seraient la peau brûlée, brûlure de deuxième ou troisième ou cinquième degré. Mais il n'y a pas de preuves. En fait, le feu, pour un homme qui est sous la couverture du ciel ouvert, devient Dieu lui-même. En fait, quand tu tombes dans le feu, tu tombes en Dieu. Tu tombes en Dieu. Tu tombes dans Dieu. Quand je marche la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal. Si ogope mabaya yoyote, car tu es avec moi. Psaume 84. Zaburi, quand il traverse la vallée de Bacan, il la transforme à une vallée de grandes sources. Qu'est-ce qui se passe? Vallée de malheur. Mais quand un homme à ciel ouvert, un homme bénéficiaire du ciel ouvert tombe à la vallée de Bacan, c'est plutôt lui qui fait du bien à la vallée qui va commencer à faire du bien. Bien faire. Même quand les choses sont négatives, les choses sont noires, attrape seulement le ciel ouvert. C'est toi qui vas changer les situations. C'est toi. Mais ça part d'où? Obéissance. Dis, je vais obéir à Dieu. Prononce ça de ta propre bouche. Dis ça avec conviction. Sema pamoja na uhakika. Dis ça avec engagement. Sema pamoja na je vais obéir à Dieu. Wanita mti Mungu. Ta vie est dedans. Maisha yako imo ndani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Tunamshangilia Bwana. Quand nous sommes dans la faveur de Dieu, tunapokuwa ndani ya kibali cha Mungu, Dieu commence à parler de façon terrible. Mungu anaanza kuongea mambo ya hatari. Regardez Jérémie chapitre 10 verset 11. Angalia kitabu cha Yeremia 10 mstari wake wa 21. Dieu est terrible quand il ouvre le ciel sur quelqu'un. Mungu anakuwa hatari anapofungua mbingu yake juu ya mtu. J'aime cette phrase. Napenda msemo huu. J'aimerais que tu la soulignes aussi dans ta Bible. Na ningependa uweke kistari chini yake ndani ya Biblia yako. À partir du verset 10, il est écrit, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant, un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi, les dieux Mungu, qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre toka et de dessus les cieux. Dani ya mbingu na dunia. Miungu. Miungu. Yenye haikuumba mbingu na dunia. Le Dieu qui n'ont pas créé et de mon mbingu na dunia zangu. Vont disparaître dans mon ciel et dans ma terre. Écoutez-moi, je vais vous montrer quelque chose. Nitawaonyesha kitu kimoja. Lorsque Dieu wakati Mungu vous ouvre ce ciel, anawafungulia mbingu yake, Il fait fonctionner toutes choses à votre faveur. Anatumikisa kitu chote, vyote, vitu vyote kwa mema yako. Tout. Yote. Regardez. Tazama. Le roi a chauffé le feu cette fois. Mufalme amewasha moto, ameongeza kuwasha kwa moto mara saba. Mais c'est le feu de qui? Lakini ni moto wa nani? Hein? Moto wa nani? C'est le feu de Dieu. Ni moto wa Mungu. Eh? Ni moto ya nani? C'est le feu de qui? Donc, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Tu jettes les enfants de Dieu dans le feu de qui? Unawatupa watoto wa Mungu ndani ya moto ya nani? De Dieu. Moto ya Mungu. Dieu a pouvoir sur ce feu en question. Mungu ana uwezo juu ya ile moto. Maintenant regardez. Sasa tazama. Les épreuves dont vous parlez. Ile vipimo auxquelles vous faites face. Ambao mnakuwa mbele yake. Sont définis comment? Inakuwa inafasiriwa namna gani? La maladie. Ugonjwa. Ce sont des créatures, les maladies. Inakuwa ni viumbe ile magonjwa ile. Tout ce qui se trouve sur la terre et les cieux. Yote nayokuwa chini ya mbingu na dunia. C'est pour Dieu. Ni kwa ajili ya Mungu. Ces choses vont nous faire du mal lorsque nous ne sommes pas avec Dieu. Wakati hatuko pamoja na Mungu. Et je vais vous choquer. Na nitawakwaza. Vous savez que beaucoup de richesses. Mnajua kwamba utajiri nyingi. Peuvent vous faire du mal. Inaweza kuwatesa. Quand vous n'êtes pas avec Dieu. Wakati hauko pamoja na Mungu. Eh? Mm. Les richesses sont à Dieu. Utajiri ni wa Mungu. Et vous pouvez les avoir. Na unaweza kuwa nayo. Mais si vous n'êtes pas avec Dieu. Lakini kama hauko pamoja na Mungu. Ces mêmes richesses vont vous frapper. Utajiri huo huo utakupiga. Ça vous frappe. Inakupiga. Comment ça? Namna gani? Quand cela a commencé à venir, wakati imeanza kuja, j'avais beaucoup d'appétit de prendre la viande. Ulikuwa na hamu nyingu kakula nyama nyingi. Sur la table. Na kwenye meza. Poulet rôti, poulet bouilli, poulet. Unakuwa na kuku ya kuchomewa, à côté, kuku ya kukalangiwa, pentade. Pembeni. Pentade. Unatutia pentade. Pigeon. Unaweka canard. Pigeon. Pigeon. Njiwa. Et à côté. Na pembeni. Mbaruwai. Mbuzi. Mbuzium. Unaweka mbuzium pembeni. Ta richesse va te frapper. Utajiri wako utakupiga. Et puis beaucoup de mayonnaise. Na kisa mayonnaise nyingi. Beaucoup de beurre. Unaweka mafuta nyingi. Et puis demain. Na kisa kesho. Mikuli kona luma. Les pieds commencent à faire mal. Ta richesse te frappe. Utajiri wako na kuponda. Tu as un surpoids. Unaanza kunenepa sana. En fait, ta richesse te frappe. Utajiri wako na kupiga. Eh, ngoroma. Eh, parce que c'est grave. On ne sait pas respirer. Hautaweza tena kupumua. Ukisha shiba sana. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Ça dit toute la création. Ni kusema umbaji wote ni kwa ajili ya Mungu. Pour ajouir, soit avec Dieu. Et comment on est avec Dieu? Dans l'obéissance. Obéis. Dites à ton voisin sans le toucher. Mon frère, tu n'as qu'à obéir. Dis-le bien comme les Ouest Africains, tu n'as qu'à obéir. Tu n'as qu'à obéir, frère. Toute la création est à Dieu. Pour jouir. Aie le ciel ouvert de Dieu sur toi. Sinon, toutes ces choses deviennent des épreuves. Vous avez vu, Mumeona. Tu achètes une belle voiture. Unanunua gari nzuri. Elle est tellement exquise que. Enfin, il ne faut pas que les motards touchent quoi. Sana kwamba, hata et quand tu roules, tu souffres. Unapotembeza kabisa unateseka. Parce que les motards passent comme des sauterelles. Sababu wale watembeza pikipiki wanapita kama mapanzi. Batani crashé. On dit ça crashé, crashé. Crashé. Ils vont me crêcher, ces gens. Watani kwaruza, wa wandugu. Eh, la voiture n'est plus agréable. Nagari haiko tena mzuri. Donc tension inaanza. Hapo tension inaanza. Juu ufike kwenye unaenda. Uke ti arrive là où tu vas. La tension a déjà monté. Kwa nini? Pourquoi? Aba motari bataniharibishia gari. Ces motards vont abîmer, détruire ma voiture. Eh, on offre à Dieu, amen. Tunakuwa tukimtolea Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je tunaweza kumshangilia Bwana. L'obéissance. Utifu. Le secret du bonheur. Siri ya furaha. Le secret d'un avenir de gloire. Siri ya ujao wenye utukufu. Obéissance. Utifu. Le secret du ciel ouvert. Siri ya mbingu na ufunguliwa. Obéissance. Utifu. Mes frères. Ndugu zangu. Je voudrais bien parler. Ningependa niongee. De comment la désobéissance naît dans le cœur de l'homme. Juu namna gani uasi nazaliwa ndani ya moyo wa mwanadamu. Mais que c'est beaucoup de choses. On va parler de ça demain. Ni mambo mengi ndio maana tutaizungumzia kesho. D'accord. Ndivyo. OK, on continue sur ça demain. Tutaendelea kesho. Comment l'homme Comment cette affaire de désobéissance arrive à s'installer en un homme? Comment ça vient? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Levons-nous, on va prier entre-temps. Tusimame, tutaomba. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire à Dieu? Je kuna kitu ambacho nahitaji kumwambia Mungu. Nous sommes au deuxième chapitre. Tuko kwenye kipengele cha pili. Le fondement ambacho ni misingi. Du ciel fermé. Mbingu nayofungwa. Il y a l'obéissance et plusieurs autres choses qu'on va partager incessamment. Kuna utivu wa mambo mengi ambayo tutaongelea hapa. Et puis on prendra le troisième chapitre et le quatrième chapitre. Na kisha tuchukue kipengele cha tatu. Je vous conseille d'être là, frères et sœurs, vous qui avez raté au courant la semaine. Na washauri muwe hapo wiki hii nyinyi ambao hamkuwa wiki. Et puis cette semaine, na kisha wiki hii, nous allons accélérer la prière. Tutaendelesha na maombi. La semaine dernière, nous avons eu les prières matinales dans les cellules. Tulikuwa na maombi ya asubuhi ndani ya mashirika zetu. Et nous avons eu de merveilleuses occasions d'aller fait des marches et des prières dans les quartiers pour libérer notre environnement. Cette semaine, on viendra faire la prière matinale ici. Chaque jour à partir de 6h. À 7h15. Alléluia. Amen. Et à 15h, on sera là pour continuer les eaux profondes. Et à 20h, on sera là pour profiter de temps la présence de Dieu pour prier. Et je bénis le Seigneur pour nos équipes fortes de l'intercession. Qui sont à leur poste à partir de 0h jusqu'au matin. Frères et sœurs, pourquoi tout ceci? Parce que Dieu tient que tu arrives à pénétrer ton ciel ouvert. Alors ta réponse est indispensable pour attraper ta part. Ta réponse à la parole de Dieu. Ta réponse à aller prier. Viens. Cherche Dieu. Tafuta Mungu. Et même obéir. Hata kutii. Vous savez, unajua, quand l'église, ton église, wakati kanisa, organise un programme, kanisa lako lina andaa ça demande de l'obéissance. Inaomba utiifu. Parce que c'est ton église. Sababu ni kanisa lako. Obéis, viens, participe. Tii na c'est uji. Pour ton bien. Uzurie ni kwa ajili ya mema yako. C'est pas une méchanceté. Sio ubaya. C'est pas pour te torturer. Si kwa ajili ya c'est pour ton bien. Viens. Ni kwa ajili ya mema participe yako. À tous les programmes. Na uzurie kwenye mikutano zote. Et tu vas avoir ta part. Na utapata sehemu yako. Tu seras heureux. Na utakuwa mwenye heri. Alléluia. Amen. Levons nos mains, on va prier. Nyoshe mikono yetu tutaomba. Le protocole, vous vous arrêtez un peu avec les paniers. Protocole, mnaweza simama pamoja na vitunga vya sadaka na vitapita baadaye. Prie avec moi. Muombe pamoja nami. Dites Seigneur. Sema Bwana. Merci pour ta parole. Asante kwa ajili ya neno lako. Ce matin tu as parlé à mon cœur. Asubuhi ya leo umeongea na moyo wangu. De l'obéissance. Juu ya utiivu. J'accepte. Nakubali. De t'obéir. Kukutii. À partir d'aujourd'hui. Kuanzia siku ya leo. L'obéissance. Utiivu. permet que je sois à bon terme avec toi. L'obéissance et justice. L'obéissance me garantit le bonheur et la longévité. L'obéissance me garantit le ciel ouvert. Seigneur, j'ai été souvent désobéissant. Pardonne-moi. Ce matin, je renonce à la vie de désobéissance. Je renonce à cet esprit de désobéissance. J'accepte d'obéir à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclame encore une fois le Seigneur. Shangilia tena Bwana. Nous allons suivre les annonces. Tutafuata matangazo. Nous remercions le Seigneur pour deux mariages qui ont eu lieu hier. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ndoa mbili ambazo zilipitikana jana. Du couple Emmanuel et Denise et du couple Justin et Diane. Ya ndoa mbili ambazo zinamaliza kutajwa. La famille Riverive et les couples Jean-Louis et Mama Bertil rendent grâce à Dieu et remercient toute l'Église pour le soutien lors du décès de leur fils et frère Dani Mulwa. Na jamaa Riverive na Jean-Louis linamshukuru Mungu na kanisa kwa ajili ya kusapotiwa wakati ndugu yao na mwana wao Dani Mulwa aliweza kufariki. Nous continuons dans le programme des eaux profondes. Tunaendelea ndani ya mpango wa maji ya vilindi. Chaque jour nous serons là. Kila siku tutakuwa hapa. À partir de 15h juste jusqu'à 17h30. Kuanzia saa 9 za mchana hadi saa 11 unusu. Comme le pasteur vient de le dire, chaque jour il y aura culte matinal à partir de 6h juste ici à l'église jusqu'à 7h15. Na kama vile mchungaji amemaliza kusema kila siku patakuwa na maombi ya asubuhi kuanzia saa 12 za asubuhi hadi saa 1:15. Et nous allons clôturer ce programme le dimanche 15 avec la Sainte Cène. Na tutamaliza mkutano huu Jumapili ijayo, Jumapili tarehe 15 pamoja na meza ya Bwana. Mais chaque jour il y a la couverture de prière. Lakini kila siku kuna wale wanaongoza maombi. Ceux qui vont conduire la prière aujourd'hui, c'est l'intercession. Watakaongoza maombi leo itakuwa ni waombaji. À partir de 20h jusqu'à 22h. Kuanzia saa 2 za usiku hadi saa 4. Et une autre équipe de l'intercession va continuer à partir de minuit. Na kundi lingine la waombaji litaanza usiku kati. Demain lundi, ça sera l'équipe du département de l'évangélisation. Le mardi, c'est les couples, les professionnels et les hommes. On me dit que ça, c'était le programme de la semaine passée. Donc demain, aujourd'hui, le dimanche, Léo Sikoya Mungu, ce sont les intercesseurs. Léo ni waombaji. Et demain lundi, ça sera la coordination des